Conclusion. Première partie. Petitesse du maître. Abjection de la situation. 1. Soyez tranquille. L'histoire le tient. Du reste, si ceci flatte l'amour-propre de M. Bonaparte d'être saisi par l'histoire, s'il a par hasard, et vraiment on le croirait, sur sa valeur comme scélérat politique, une illusion dans l'esprit, qu'il se l'ôte. Qu'il n'aille pas s'imaginer, parce qu'il a entassé horreur sur horreur, qu'il se hissera jamais à la hauteur des grands bandits historiques. Nous avons eu tort peut-être, dans quelques pages de ce livre, ça et là, de le rapprocher de ces hommes. Non, quoiqu'il ait commis des crimes énormes, il restera mesquin, il ne sera jamais que l'étrangleur nocturne de la liberté, il ne sera jamais que l'homme qui a saoulé les soldats, non avec de la gloire comme le premier Napoléon, mais avec du vin. Il ne sera jamais que le tyran pygmée d'un grand peuple. L'acabit de l'individu se refuse de fond en comble à la grandeur, même dans l'infamie. Dictateur, il est bouffon. Qu'il se fasse empereur, il sera grotesque. Ceci l'achèvera. Faire hausser les épaules au genre humain, ce sera sa destinée. Sera-t-il moins rudement corrigé pour cela? Point. Le dédain n'ôte rien à la colère. Il sera hideux et il restera ridicule. Voilà tout. L'histoire rit et foudroie. Les plus indignés même ne le tireront point de là. Les grands penseurs se plaisent à châtier les grands despotes et quelquefois même les grandissent un peu pour les rendre dignes de leur furie. Mais que voulez-vous que l'historien fasse de ce personnage? L'historien ne pourra que le mener à la postérité par l'oreille. L'homme, une fois déshabillé du succès, le piédestal ôté, la poussière tombée, le clinquant et l'oripeau et le grand sabre détaché, le pauvre petit squelette mis à nu et grelottant, peut-on s'imaginer rien de plus chétif et de plus piteux? L'histoire a ses tigres. Les historiens, gardiens immortels d'animaux féroces, montrent aux nations cette ménagerie impériale. Tacite à lui seul, ce grand Belvaire a pris et enfermé 8 ou 10 de ses tigres dans les cages de fer de son style. Regardez-les, ils sont épouvantables et superbes, leurs taches font partie de leur beauté. Celui-ci, c'est Nemrod, le chasseur d'hommes. Celui-ci, c'est Busiris, le tyran d'Égypte. Celui-ci, c'est Phalaris, qui faisait cuire des hommes vivants dans un taureau d'airain afin de faire mugir le taureau. Celui-ci, c'est Assuréus qui arracha la peau de la tête aux 7 Maccabées et les fit rôtir vifs. Celui-ci, c'est Néron, le brûleur de Rome, qui enduisait les chrétiens de cire et de bitume et les allumait comme des flambeaux. Celui-ci, c'est Tibère, l'homme de Capré. Celui-ci, c'est Domitien. Celui-ci, c'est Caracalla. Celui-ci, c'est Héliogabale. Cet autre, c'est Commode, qui a ce mérite de plus dans l'horreur qu'il était le fils de Marc Aurèle. Ceux-ci sont des tsars, ceux-ci sont des sultans, ceux-ci sont des papes. Remarquez parmi eux le tigre Borgia. Voici Philippe, dit le bon, comme les furies étaient dites Euménides. Voici Richard III, sinistre et difforme. Voici, avec sa large face et son gros ventre, Henri VIII, qui sur 5 femmes qu'il eut, en tua 3 dont il éventra une. Voici Christierne II, le Néron du Nord. Voici Philippe II, le démon du Midi. Ils sont effrayants. Écoutez-les rugir, considérez-les l'un après l'autre. L'historien vous les amène, l'historien les traîne, furieux et terrible, au bord de la cage, vous ouvre les gueules, vous fait voir les dents, vous montre les griffes. Vous pouvez dire de chacun d'eux, c'est un tigre royal. En effet, ils ont été pris sur tous les trônes, l'histoire les promène à travers les siècles, elle empêche qu'ils ne meurent, elle en a soin, ce sont ces tigres. Elle ne mêle pas avec eux les chacals, elle met et garde à part les bêtes immondes. Monsieur Bonaparte sera, avec Claude, avec Ferdinand VII d'Espagne, avec Ferdinand II de Naples, dans la cage des hyènes. C'est un peu un brigand, et beaucoup un coquin. On sent toujours en lui le pauvre prince d'industrie qui vivait d'expédients en Angleterre. Sa prospérité actuelle, son triomphe et son empire, et son gonflement n'y font rien. Ce manteau de pourpre traîne sur des bottes éculées. Napoléon le Petit, rien de plus, rien de moins. Le titre de ce livre est bon. La bassesse de ses vices nuit à la grandeur de ses crimes. Que voulez-vous ? Pierre le Cruel massacrait, mais ne volait pas. Henri III assassinait, mais n'escroquait pas. Timour écrasait les enfants au pied des chevaux, à peu près comme M. Bonaparte a exterminé les femmes et les vieillards sur le boulevard, mais il ne mentait pas. Écoutez l'historien arabe. Timour Beg, Saeb Karan, maître du monde et du siècle, maître des conjonctions planétaires, naquit à Ketch en 1336. Il égorgea 100 000 captifs, comme il assiégeait Siwas. Les habitants, pour le fléchir, lui envoyèrent 1000 petits-enfants portant chacun un Coran sur leur tête et criant « Allah, Allah !» Il fit enlever les livres sacrés avec respect et écraser les enfants sous les pieds des chevaux. Il employa 70 000 têtes humaines, avec du ciment, de la pierre et de la brique, à bâtir des tours à Herat, à Sebzwar, à Tebrit, à Alep, à Bagdad. Il détestait le mensonge. Quand il avait donné sa parole, on pouvait s'y fier. M. Bonaparte n'est point de cette stature. Il n'a pas cette dignité que les grands despotes d'Orient et d'Occident mêlent à la férocité. L'ampleur césarienne lui manque. Pour faire bonne contenance et avoir mine convenable parmi tous ces bourreaux illustres qui ont torturé l'humanité depuis 4000 ans, il ne faut pas faire hésiter l'esprit entre un général de division et un batteur de grosses caisses des Champs-Élysées. Il ne faut pas avoir été policeman à Londres, il ne faut pas avoir essuyé les yeux baissés en pleine cour des pairs, les mépris hautains de M. Magnan. Il ne faut pas être appelé pickpocket par les journaux anglais. Il ne faut pas être menacé de Clichy. Il ne faut pas, en un mot, qu'il y ait du faquin dans l'homme. Monsieur Louis-Napoléon, vous êtes ambitieux, vous visez haut, mais il faut bien vous dire la vérité. Eh bien, que voulez-vous que nous y fassions ? Vous avez eu beau, en renversant la tribune de France, réaliser à votre manière le vœu de Caligula. Je voudrais que le genre humain n'eût qu'une tête pour le pouvoir décapiter d'un coup. Vous avez eu beau bannir par milliers les républicains comme Philippe III expulsait les morts et comme Torquemada chassait les juifs, vous avez beau avoir des casemates comme Pierre le Cruel, des pontons comme Ariadne, des dragonnades comme le père Letellier et des oubliettes comme Ezzeline III, vous avez beau vous être parjuré comme Ludovic Sforze, vous avez beau avoir massacré et assassiné en masse comme Charles IX, vous avez beau avoir fait tout cela, vous avez beau faire venir tous ces noms à l'esprit quand on songe à votre nom, vous n'êtes qu'un drôle, n'est pas un monstre qui veut. 2. De toute agglomération d'hommes, de toute cité, de toute nation, il se dégage fatalement une force collective. Mettez cette force collective au service de la liberté, faites-la régir par le suffrage universel, la cité devient commune, la nation devient république. Cette force collective n'est pas, de sa nature, intelligente. Étant à tous, elle n'est à personne. Elle flotte, pour ainsi dire, en dehors du peuple. Jusqu'au jour où, selon la vraie formule sociale qui est le moins de gouvernement possible, cette force pourra être réduite à ne plus être qu'une police de la rue et du chemin, pavant les routes, allumant les réverbères et surveillant les malfaiteurs. Jusqu'à ce jour-là, cette force collective, étant à la merci de beaucoup de hasards et d'ambitions, a besoin d'être gardée et défendue par des institutions jalouses, clairvoyantes, bien armées. Elle peut être asservie par la tradition, elle peut être surprise par la ruse. Un homme peut se jeter dessus, la saisir, la brider, la dompter, et la faire marcher sur les citoyens. Le tyran est cet homme qui, sorti de la tradition comme Nicolas de Russie ou de la ruse comme Louis Bonaparte, s'empare à son profit et dispose à son gré de la force collective d'un peuple. Cet homme-là, s'il est de naissance ce qu'est Nicolas, c'est l'ennemi social. S'il a fait ce qu'a fait Louis Bonaparte, c'est le voleur public. Le premier n'a rien à démêler avec la justice régulière et légale, avec les articles des codes. Il a derrière lui l'épiant et le guettant, la haine au cœur et la vengeance à la main, dans son palais Orlov et dans son peuple Mouraviev. Il peut être assassiné par quelqu'un de son armée ou empoisonné par quelqu'un de sa famille. Il court la chance des conspirations de casernes, des révoltes de régiments, des sociétés militaires secrètes, des complots domestiques, des maladies brusques et obscures, des coups terribles, des grandes catastrophes. Le second doit tout simplement aller à Poissy. Le premier a ce qu'il faut pour mourir dans la pourpre et pour finir pompeusement et royalement comme finissent les monarchies et les tragédies. Le second doit vivre. Vivre entre quatre murs derrière des grilles qui le laissent voir au peuple, balayant des cours, faisant des brosses de crin ou des chaussons de lisière, vidant des baquets avec un bonnet vert sur la tête et des sabots aux pieds et de la paille dans ses sabots. Ah, meneur de vieux partis, homme de l'absolutisme, en France, vous avez voté en masse dans les 7 500 000 voix. Hors de France, vous avez applaudi et vous avez pris ce cartouche pour le héros de l'ordre. Il est assez féroce pour cela, j'en conviens, mais regardez la taille. Ne soyez pas ingrat pour vos vrais colosses. Vous avez destitué trop vite vos Hainaut et vos Radetzky. Méditez surtout ce rapprochement qui s'offre si naturellement à l'esprit. Qu'est-ce que c'est que ce mandrin de Lilliput près de Nicolas, Czar et César, empereur et pape, pouvoir mi-parti Bible et Knut, qui damne et condamne, commande l'exercice à 800 000 soldats et à 200 000 prêtres, tient dans sa main droite les clés du paradis et dans sa main gauche les clés de la Sibérie, et possède comme sa chose 60 000 000 d'hommes, les âmes comme s'il était Dieu, les corps comme s'il était la tombe. 3. S'il n'y avait pas avant peu un dénouement brusque, imposant et éclatant, si la situation actuelle de la nation française se prolongeait et durait, le grand dommage, l'effrayant dommage, ce serait le dommage moral. Les boulevards de Paris, les rues de Paris, les champs et les villes de 20 départements en France ont été jonchés au 2 décembre de citoyens tués et gisants. On a vu devant les seuils des pères et des mères égorgés, des enfants sabrés, des femmes échevelées dans le sang et éventrées par la mitraille. On a vu dans les maisons des suppliants massacrés, les uns fusillés en tas dans leurs caves, les autres dépêchés à coups de baïonnette sous leur lit, les autres renversés par une balle sur la dalle de leur foyer. Toutes sortes de mains sanglantes sont encore empreintes à l'heure qu'il est, ici sur un mur, là sur une porte, là dans une alcôve. Après la victoire de Louis Bonaparte, Paris a piétiné 3 jours dans une boue rougeâtre. Une casquette pleine de cervelle humaine a été accrochée à un arbre du boulevard des Italiens. Moi qui écris ces lignes, j'ai vu, entre autres victimes, j'ai vu, dans la nuit du 4, près la barricade Mauconseil, un vieillard en cheveux blancs, étendu sur le pavé, la poitrine traversée d'un biscaïen et la clavicule cassée. Le ruisseau de la rue qui coulait sous lui entraînait son sang. J'ai vu, j'ai touché de mes mains, j'ai aidé à déshabiller un pauvre enfant de 7 ans. Tué, m'a-t-on dit, rue Tiquetonne. Il était pâle. Sa tête allait et venait d'une épaule à l'autre pendant qu'on lui ôtait ses vêtements. Ses yeux à demi fermés étaient fixes, et en se penchant près de sa bouche entr'ouverte, il semblait qu'on l'entendît encore murmurer faiblement « Ma mère !» Eh bien, il y a quelque chose qui est plus poignant que cet enfant tué, plus lamentable que ce vieillard mitraillé, plus horrible que cette loque tachée de cervelle humaine, plus effrayant que ces pavés rougis de carnage, plus irréparable que ces hommes et ces femmes, que ces pères et ces mères égorgés et assassinés. C'est l'honneur d'un grand peuple qui s'évanouit. Certes, ces pyramides de morts qu'on voyait dans les cimetières après que les fourgons qui venaient du Champ de Mars s'y étaient déchargés, ces immenses fosses ouvertes qu'on emplissait le matin avec des corps humains en se hâtant à cause des clartés grandissantes du crépuscule, c'était affreux. Mais ce qui est plus affreux encore, c'est de songer qu'à l'heure où nous sommes, les peuples doutent. et que pour eux, la France, cette grande splendeur morale, a disparu. Ce qui est plus navrant que les crânes fendus par le sabre, que les poitrines défoncées par les boulets, plus désastreux que les maisons violées, que le meurtre emplissant les rues, que le sang versé à ruisseaux, c'est de penser que maintenant, on se dit parmi tous les peuples de la terre. Vous savez bien, cette nation des nations, ce peuple du 14 juillet, ce peuple du 10 août, ce peuple de 1830, ce peuple de 1848, cette race de géants qui écrasait les Bastilles, cette race d'hommes dont le visage éclairait, cette patrie du genre humain qui produisait les héros et les penseurs, ces autres héros, qui faisaient toutes les révolutions et enfantaient tous les enfantements, cette France, dont le nom voulait dire liberté, cette espèce d'âme du monde qui rayonnait en Europe, cette lumière, eh bien, quelqu'un a marché dessus et l'a éteinte. Il n'y a plus de France, c'est fini. Regardez, ténèbres partout, le monde est à tâtons. Ah, c'était si grand. Où sont ces temps, ces beaux temps mêlés d'orage, mais splendides, où tout était vie, où tout était liberté, où tout était gloire. Ces temps où le peuple français, réveillé avant tous et debout dans l'ombre, le front blanchi par l'aube de l'avenir déjà levé pour lui, disait aux autres peuples, encore assoupis et accablés et remuant à peine leurs chaînes dans leur sommeil, « Soyez tranquilles, je fais la besogne de tous, je bêche la terre pour tous, je suis l'ouvrier de Dieu. » Quelle douleur profonde! Regardez cette torpeur où il y avait cette puissance. Regardez cette honte où il y avait cet orgueil. Regardez ce superbe peuple qui levait la tête et qui la baisse. Hélas! Louis Bonaparte a fait plus que tuer les personnes, il a amoindri les âmes, il a rapetissé le cœur du citoyen. Il faut être de la race des indomptables et des invincibles pour persévérer à cette heure dans l'âpre voie du renoncement et du devoir. Je ne sais quelle gangrène de prospérité matérielle menace de faire tomber l'honnêteté publique en pourriture. Oh, quel bonheur d'être banni, d'être tombé, d'être ruiné, n'est-ce pas, braves ouvriers? N'est-ce pas, dignes paysans, chassés de France et qui n'avaient pas d'asile et qui n'avaient pas de souliers? Quel bonheur de manger du pain noir, de coucher sur un matelas jeté à terre, d'avoir les coudes percés, d'être hors de tout cela, et à ceux qui vous disent « Vous êtes français », de répondre « Je suis proscrit ». Quelle misère que cette joie des intérêts et des cupidités s'assouvissant dans l'auge du 2 décembre. Ma foi, vivons! Faisons des affaires, tripotons dans les actions de zinc ou de chemin de fer, gagnons de l'argent. C'est ignoble, mais c'est excellent. Un scrupule de moins, un louis de plus. Vendons toute notre âme à ce taux, on court, on se rue, on fait antichambre, on boit toute honte, et si l'on ne peut avoir une concession de chemins en France ou de terrains en Afrique, on demande une place. Une foule de dévouements intrépides assiège l'Élysée et se groupent autour de l'homme. Junot, près du premier Bonaparte, bravait les éclaboussures d'obus. Ceux-ci, près du second, bravent les éclaboussures de boue. Partager son ignominie, qu'est-ce que cela leur fait pourvu qu'ils partagent sa fortune? C'est à qui fera ce trafic de soi-même le plus cyniquement, et parmi ces êtres, il y a des jeunes gens qui ont l'œil pur et limpide et toute l'apparence de l'âge généreux, et il y a des vieillards qui n'ont qu'une peur, c'est que la place sollicitée ne leur arrive pas à temps et qu'ils ne parviennent pas à se déshonorer avant de mourir. L'un se donnerait pour une préfecture, l'autre pour une recette, l'autre pour un consulat, l'autre veut un bureau de tabac, l'autre veut une ambassade. Tous veulent de l'argent, ceux-ci moins, ceux-ci plus, car c'est au traitement qu'on songe, non à la fonction. Chacun tend la main. Tous s'offrent. Un de ces jours, on établira un essayeur de conscience à la monnaie. Quoi? C'est là qu'on en est? Quoi? Ceux-mêmes qui ont soutenu le coup d'État, ceux-mêmes qui avaient peur du croque-mitaine rouge et des balivernes de Jacquerie en 1852, ceux-mêmes qui ont trouvé ce crime bon parce que, selon eux, il a tiré du péril leur rente, leurs bordereaux, leurs caisses, leurs portefeuilles, ceux-là même ne comprennent pas que l'intérêt matériel surnageant seul ne serait après tout qu'une triste épave au milieu d'un immense naufrage moral et que c'est une situation effrayante et monstrueuse qu'on dise « tout est sauvé, fort l'honneur ». Les mots « indépendance », « affranchissement », « progrès », « orgueil populaire », « fierté nationale », « grandeur française », on ne peut plus les prononcer en France. Chut, ces mots-là font trop de bruit, marchons sur la pointe du pied et parlons bas. Nous sommes dans la chambre d'un malade. Qu'est-ce que c'est que cet homme? C'est le chef? C'est le maître? Tout le monde lui obéit? Ah, tout le monde le respecte, alors? Non, tout le monde le méprise. Oh, situation! Et l'honneur militaire, où est-il? Ne parlons plus, si vous le voulez, de ce que l'armée a fait en décembre, mais de ce qu'elle subit en ce moment, de ce qui est à sa tête, de ce qui est sur sa tête. Y songez-vous? Y songe-t-elle? Ô armée de la République, armée qui a eu pour capitaine des généraux payés 4 francs par jour, armée qui a eu pour chef Carnot, l'austérité, Marceau, le désintéressement, Hoche, l'honneur, Kléber, le dévouement, Joubert, la probité, Desaix, la vertu, Bonaparte, le génie. Ô armée française, pauvre malheureuse armée héroïque, fourvoyée à la suite de ces hommes-ci. Qu'en feront-ils? Où la mèneront-ils? De quelle façon l'occuperont-ils? Quelle parodie sommes-nous destinés à voir et à entendre? Hélas, qu'est-ce que c'est que ces hommes qui commandent à nos régiments et qui gouvernent? Le maître, on le connaît, celui-ci qui a été ministre, allait être saisi le 3 décembre. C'est pour cela qu'il a fait le 2. Cet autre est l'emprunteur des 25 millions à la banque. Cet autre est l'homme des lingots d'or. À cet autre, avant qu'il fût ministre, un ami disait « Ah ça, vous nous flouez avec vos actions de l'affaire en question, ça me fatigue. S'il y a des escroqueries, que j'en sois, au moins. » Cet autre, qui a des épaulettes, vient d'être convaincu de quasi-stellionat. Cet autre, qui a aussi des épaulettes, a reçu le matin du 2 décembre 100 000 francs pour les éventualités. Il n'était que colonel, s'il eût été général, il eût eu davantage. Celui-ci, qui est général, étant garde du corps de Louis XVIII et de faction derrière le fauteuil du roi pendant la messe, a coupé un gland d'or du trône et l'a mis dans sa poche. On l'a chassé des gardes pour cela. Certes, à ces hommes aussi, on pourrait élever une colonne ex aere capto avec l'argent pris. Cet autre, qui est général de division, a détourné 52 000 francs à la connaissance du colonel Charras dans la construction des villages Saint-André et Saint-Hippolyte près Mascara. Celui-ci, qui est général en chef, était surnommé à Gand, où on le connaît, le général 500 francs. Celui-ci, qui est ministre de la guerre, n'a dû qu'à la clémence du général Rullière de ne point passer devant un conseil de guerre. Tels sont les hommes. C'est égal, en avant, battez tambour, sonnez clairon, flottez drapeau, soldats, du haut de ces pyramides, les 40 voleurs vous contemplent. Avançons dans ce douloureux sujet et voyons-en toutes les faces. Rien que le spectacle d'une fortune comme celle de M. Bonaparte, placée au sommet de l'État, suffirait pour démoraliser un peuple. Il y a toujours, et par la faute des institutions sociales qui devraient avant tout éclairer et civiliser, il y a toujours, dans une population nombreuse comme la population de la France, une classe qui ignore, qui souffre, qui convoite, qui lutte, placée entre l'instinct bestial qui pousse à prendre et la loi morale qui invite à travailler. Dans la condition douloureuse et accablée où elle est encore, cette classe, pour se maintenir dans la droiture et dans le bien, elle a besoin de toutes les pures et saintes clartés qui se dégagent de l'Évangile. Elle a besoin que l'esprit de Jésus, d'une part, et d'autre part l'esprit de la Révolution française, lui adresse les mêmes mâles paroles et lui montre sans cesse, comme les seules lumières dignes des yeux de l'homme, les hautes et mystérieuses lois de la destinée humaine, l'abnégation, le dévouement, le sacrifice, le travail qui mène au bien-être intérieur. Même avec ce perpétuel enseignement, à la fois divin et humain, cette classe, si digne de sympathie et de fraternité, succombe souvent. La souffrance et la tentation sont plus fortes que la vertu. Maintenant, comprenez-vous les infâmes conseils que le succès de M. Bonaparte lui donne ? Un homme pauvre, déguenillé, sans ressources, sans travail, est là dans l'ombre au coin d'une rue, assis sur une borne. Il médite et en même temps repousse une mauvaise action. Par moments, il chancelle, par moments, il se redresse. Il a faim et il a envie de voler. Pour voler, il faut faire une fausse clé, il faut escalader un mur. Puis, la fausse clé faite et le mur escaladé, il sera devant le coffre-fort. Si quelqu'un se réveille, si on lui résiste, il faudra tuer. Ses cheveux se hérissent, ses yeux deviennent hagards. Sa conscience, voix de Dieu, se révolte en lui et lui crie « Arrête ! C'est mal, ce sont des crimes !» En ce moment, le chef de l'État passe. L'homme voit M. Bonaparte en habit de général, avec le cordon rouge et des laquais en livrée, galonnés d'or, galopant vers son palais dans une voiture à quatre chevaux. Le malheureux, incertain devant son crime, regarde avidement cette vision splendide et la sérénité de M. Bonaparte et ses épaulettes d'or et le cordon rouge et la livrée et le palais et la voiture à quatre chevaux lui disent « Réussi ». Il s'attache à cette apparition, il la suit, il court à l'Élysée, une foule dorée s'y précipite à la suite du prince. Toutes sortes de voitures passent sous cette porte et il y entrevoit des hommes heureux et rayonnants. Celui-ci, c'est un ambassadeur. L'ambassadeur le regarde et lui dit « Réussi ». Celui-ci, c'est un évêque. L'évêque le regarde et lui dit « Réussi ». Celui-ci, c'est un juge. Le juge le regarde et lui sourit et lui dit « Réussi ». Ainsi, échapper aux gendarmes, voilà désormais toute la loi morale. Voler, piller, poignarder, assassiner, ce n'est mal que si on a la bêtise de se laisser prendre. Tout homme qui médite un crime a une constitution à violer, un serment à enfreindre, un obstacle à détruire. En un mot, prenez bien vos mesures, soyez habiles, réussissez. Il n'y a d'action coupable que les coups manqués. Vous mettez la main dans la poche d'un passant, le soir, à la nuit tombante, dans un lieu désert. Il vous saisit, vous lâchez prise, il vous arrête et vous mène au poste. Vous êtes coupable. Aux galères. Vous ne lâchez pas prise, vous avez un couteau sur vous, vous l'enfoncez dans la gorge de l'homme, il tombe, le voilà mort. Maintenant, prenez-lui sa bourse et allez-vous-en. Bravo, c'est une chose bien faite. Vous avez fermé la bouche à la victime, au seul témoin qui pouvait parler, on n'a rien à vous dire. Si vous n'aviez fait que voler l'homme, vous auriez tort. Tuez-le, vous avez raison. Réussissez, tout est là. Ah, ceci est redoutable. Le jour où la conscience humaine se déconcerterait, le jour où le succès aurait raison devant elle, tout serait dit. La dernière lueur morale remonterait au ciel. Il ferait jour, il ferait nuit dans l'intérieur de l'homme. Vous n'auriez plus qu'à vous dévorer entre vous, bêtes féroces. À la dégradation morale se joint la dégradation politique. Monsieur Bonaparte traite les gens de France en pays conquis. Il efface les inscriptions républicaines, il coupe les arbres de la liberté et en fait des fagots. Il y avait, place Bourgogne, une statue de la République, il y met la pioche. Il y avait sur les monnaies une figure de la République couronnée d'épis. M. Bonaparte la remplace par le profil de M. Bonaparte. Il fait couronner et haranguer son buste dans les marchés comme le bailli Gessler faisait saluer son bonnet. Ces manants des faubourgs avaient l'habitude de chanter en chœur le soir en revenant du travail. Ils chantaient les grands chants républicains, la Marseillaise, le chant du départ. Injonction de se taire. Le faubourien ne chantera plus. Il y a amnistie seulement pour les obscénités et les chansons d'ivrogne. Le triomphe est tel qu'on ne se gêne plus. Hier on se cachait encore, on fusillait la nuit. C'était de l'horreur, mais c'était aussi de la pudeur. C'était un reste de respect pour le peuple. On semblait supposer qu'il était encore assez vivant pour se révolter s'il voyait de telles choses. Aujourd'hui, on se montre. On ne craint plus rien. On guillotine en plein jour. Qui guillotine-t-on ? Qui ? Les hommes de la loi. Et la justice est là ? Qui ? les hommes du peuple, et le peuple est là. Ce n'est pas tout. Il y a un homme en Europe qui fait horreur à l'Europe. Cet homme a mis à sac la Lombardie. Il a dressé les potences de la Hongrie. Il a fait fouetter une femme sous le gibet où pendaient étranglés son fils et son mari. On se rappelle encore la lettre terrible où cette femme raconte le fait et dit « Mon cœur est devenu de pierre ». L'an dernier, cet homme eut l'idée de visiter l'Angleterre en touriste et étant à Londres, il lui prit la fantaisie d'entrer dans une brasserie, la brasserie Barclay et Perkins. Là, il fut reconnu. Une voix murmura « C'est Hainaut ? C'est Hainaut ?» répétèrent les ouvriers. Ce fut un cri effrayant. La foule se rua sur le misérable, lui arracha à poignée ses infâmes cheveux blancs, lui cracha au visage et le jeta dehors. Eh bien, ce vieux bandit à épaulettes, ce Hainaut, cet homme qui porte encore sur sa joue l'immense soufflet du peuple anglais, on annonce que Monseigneur le prince président l'invite à visiter la France. C'est juste. Londres lui a fait une avanie, Paris lui doit une ovation. C'est une réparation. Soit, nous assisterons à cela. Hainaut a recueilli des malédictions et des huées à la brasserie Perkins. Il ira chercher des fleurs à la brasserie Saint-Antoine. Le faubourg Saint-Antoine recevra l'ordre d'être sage. Le faubourg Saint-Antoine, muet, immobile, impassible, verra passer, triomphants et causant comme deux amis, dans ces vieilles rues révolutionnaires, l'un en uniforme français, l'autre en uniforme autrichien. Louis Bonaparte, le tueur du boulevard, donnant le bras à Hainaut, le fouetteur de femmes. Va, continue, affront sur affront, défigure cette France tombée à la renverse sur le pavé, rends-la méconnaissable, écrase la face du peuple à coups de talons. Oh, inspirez-moi, cherchez-moi, donnez-moi, inventez-moi un moyen, quel qu'il soit, au poignard près dont je ne veux pas. Un Brutus à cet homme. Fi donc, il ne mérite même pas Louvel. Trouvez-moi un moyen quelconque de jeter bas cet homme et de délivrer ma patrie, de jeter bas cet homme de ruse, cet homme de mensonge, cet homme de succès, cet homme de malheur. Un moyen, le premier venu, plume, épée, pavé, émeute, par le peuple, par le soldat. Oui, quel qu'il soit, pourvu qu'il soit loyal et au grand jour, je le prends, nous le prenons tous, nous proscrits, s'il peut rétablir la liberté, délivrer la République, relever notre pays de la honte et faire rentrer dans sa poussière, dans son oubli, dans son cloaque, ce ruffian impérial, ce prince vide gousset, ce bohémien des rois, ce traître, ce maître, cet écuyer de Franconi, ce gouvernant radieux, inébranlable, satisfait, couronné de son crime heureux qui va et vient et se promène paisiblement à travers Paris frémissant et qui a tout pour lui, tout, la bourse, la boutique, la magistrature, toutes les influences, toutes les cautions, toutes les invocations, depuis le nom de Dieu du soldat jusqu'au tédéum du prêtre. Vraiment, quand on a fixé trop longtemps son regard sur de certains côtés de ce spectacle, il y a des heures où une sorte de vertige prendrait les plus fermes esprits. Mais au moins, se rend-il justice, ce Bonaparte ? A-t-il une lueur, une idée, un soupçon, une perception quelconque de son infamie ? Réellement, on est réduit à en douter. Oui, quelquefois, aux paroles superbes qui lui échappent, à le voir adresser d'incroyables appels à la postérité, à cette postérité qui frémira d'horreur et de colère devant lui, à l'entendre parler avec aplomb de sa légitimité et de sa mission, on serait presque tenté de croire qu'il en est venu à se prendre lui-même en haute considération et que la tête lui a tourné au point qu'il ne s'aperçoit plus de ce qu'il est ni de ce qu'il fait. Il croit à l'adhésion des prolétaires, il croit à la bonne volonté des rois, il croit à la fête des aigles, il croit aux harangues du Conseil d'État, il croit aux bénédictions des évêques, il croit au serment qu'il s'est fait jurer, il croit aux 7 500 000 voix. Il parle, à cette heure, se sentant en humeur d'Auguste, d'amnistier les proscrits. L'usurpation amnistiant le droit, la trahison amnistiant l'honneur, la lâcheté amnistiant le courage, le crime amnistiant la vertu. Il est à ce point abruti par son succès qu'il trouve cela tout simple. Bizarre effet d'énivrement, illusion d'optique, il voit doré, splendide, et rayonnante cette chose du 14 janvier, cette constitution souillée de boue, tachée de sang, ornée de chaînes, traînée au milieu des huées de l'Europe par la police, le Sénat, le corps législatif et le Conseil d'État, ferrés à neuf. Il prend pour un char de triomphe et veut faire passer sous l'arc de l'étoile cette claie sur laquelle, debout, hideux et le fouet à la main, il promène le cadavre sanglant de la République. Deuxième partie, deuil et foi. 1. La Providence amène à maturité, par le seul fait de la vie universelle, les hommes, les choses, les événements. Il suffit pour qu'un ancien monde s'évanouisse, que la civilisation, montant majestueusement vers son solstice, rayonne sur les vieilles institutions, sur les vieux préjugés, sur les vieilles lois, sur les vieilles mœurs. Ce rayonnement brûle le passé et le dévore. La civilisation éclaire, ceci est le fait visible, et en même temps, elle consume, ceci est le fait mystérieux. À son influence, lentement et sans secousse, ce qui doit décliner décline, ce qui doit vieillir vieillit, les rides viennent aux choses condamnées, aux castes, aux codes, aux institutions, aux religions. Ce travail de décrépitude se fait en quelque sorte de lui-même, décrépitude féconde sous laquelle germe la vie nouvelle. Peu à peu, la ruine se prépare, de profondes lézardes qu'on ne voit pas, se ramifient dans l'ombre et mettent en poudre, au-dedans, cette formation séculaire qui fait encore masse au-dehors. Et voilà qu'un beau jour, tout à coup, cet antique ensemble de faits vermoulus, dont se composent les sociétés caduques, devient difforme, l'édifice se disjoint, se décloue, surplombe. Alors, tout ne tient plus à rien. Qu'il survienne un de ces géants propres aux révolutions, que ce géant lève la main et tout est dit. Il y a telle heure dans l'histoire où un coup de coude de Danton ferait crouler l'Europe. 1848 fut une de ces heures. La vieille Europe féodale, monarchique et papale, replâtrée si fatalement pour la France en 1815, chancela. Mais Danton manquait, l'écroulement n'eut pas lieu. On a beaucoup dit dans la phraséologie banale qui s'emploie en pareil cas que 1848 avait ouvert un gouffre. Point. Le cadavre du passé était sur l'Europe. Il y est encore à l'heure qu'il est. 1848 ouvrit une fosse pour y jeter ce cadavre. C'est cette fosse qu'on a prise pour un gouffre. En 1848, tout ce qui tenait au passé, tout ce qui vivait du cadavre, vit de près cette fosse. Non seulement les rois sur leur trône, les cardinaux sous leurs barrettes, les juges à l'ombre de leur guillotine, les capitaines sur leurs chevaux de guerre, ces murs. Mais quiconque avait un intérêt quelconque dans ce qui allait disparaître, quiconque cultivait à son profit une fiction sociale et avait à bail et à loyer un abus, quiconque était gardien d'un mensonge, portier d'un préjugé ou fermier d'une superstition, quiconque exploitait, usurait, pressurait, mentait, quiconque vendait à faux poids, depuis ceux qui altèrent une balance jusqu'à ceux qui falsifient la Bible, depuis le mauvais marchand jusqu'au mauvais prêtre, depuis ceux qui manipulent les chiffres jusqu'à ceux qui monnoient les miracles, tous, depuis tel banquier juif qui se sentit un peu catholique jusqu'à tel évêque qui en devint un peu juif, tous les hommes du passé penchèrent leurs têtes les uns vers les autres et tremblèrent. Cette fosse qui était béante et où avaient failli tomber toutes les fictions, leur trésor qui pèse sur l'homme depuis tant de siècles, ils résolurent de la combler, ils résolurent de la murer, d'y entasser la pierre et la roche, et de dresser sur cet entassement un gibet, et d'accrocher à ce gibet, morne et sanglante, cette grande coupable, la vérité. Ils résolurent d'en finir une fois pour toutes avec l'esprit d'affranchissement et d'émancipation, et de refouler et de comprimer à jamais la force ascensionnelle de l'humanité. L'entreprise était rude. Ce que c'était que cette entreprise, nous l'avons indiqué déjà, plus d'une fois, dans ce livre et ailleurs. Défaire le travail de 20 générations, tuer dans le 19e siècle, en le saisissant à la gorge, 3 siècles, le 16e, le 17e et le 18e, c'est-à-dire Luther, Descartes et Voltaire, l'examen religieux, l'examen philosophique, l'examen universel, écrasé dans toute l'Europe cette immense végétation de la libre pensée, grand chêne ici, brin d'herbe là, marier le Knut et l'Aspersoir, mettre plus d'Espagne dans le Midi et plus de Russie dans le Nord, ressusciter tout ce qu'on pourrait de l'Inquisition et étouffer tout ce qu'on pourrait de l'intelligence, abêtir la jeunesse, en d'autres termes, abrutir l'avenir, faire assister le monde à l'autodafé des idées, renverser les tribunes, supprimer le journal, l'affiche, le livre, la parole, le cri, le murmure, le souffle, faire le silence, poursuivre la pensée dans la case d'imprimerie, dans le composteur, dans la lettre de plomb, dans le cliché, dans la lithographie, dans l'image, sur le théâtre, sur le tréteau, dans la bouche du comédien, dans le cahier du maître d'école, dans la balle du colporteur. Donner à chacun pour foi, pour loi, pour but et pour Dieu l'intérêt matériel. Dire au peuple « mangez et ne pensez plus ». Ôter l'homme du cerveau et le mettre dans le ventre. Éteindre l'initiative individuelle, la vie locale, l'élan national, tous les instincts profonds qui poussent l'homme vers le droit. Anéantir ce « moi » des nations qu'on nomme « patrie ». Détruire la nationalité chez les peuples partagés et démembrés. Les constitutions dans les États constitutionnels, la République en France, la liberté partout. Mettre partout le pied sur l'effort humain. En un mot, fermer cet abîme qui s'appelle le progrès. Tel fut le plan vaste, énorme, européen, que personne ne conçut, car pas un de ces hommes du vieux monde n'en eut eu le génie, mais que tous suivirent. Quant au plan en lui-même, quant à cette immense idée de compression universelle, d'où venait-elle? Qui pourrait le dire? On la vit dans l'air. Elle apparut du côté du passé, elle éclaira certaines âmes, elle montra certaines routes. Ce fut comme une lueur sortie de la tombe de Machiavel. À de certains moments de l'histoire humaine, aux choses qui se trament, aux choses qui se font, il semble que tous les vieux démons de l'humanité, Louis XI, Philippe II, Catherine de Médicis, le duc d'Albe, Torquemada, sont quelque part là, dans un coin, assis autour d'une table et tenant conseil. On regarde, on cherche, et au lieu des colosses, on voit des avortons. Où l'on supposait le duc d'Albe, on trouve Schwarzenberg. Où l'on supposait Torquemada, on trouve Veuillot. L'antique despotisme européen continue sa marche avec ses petits hommes et va toujours. Il ressemble au tsar Pierre en voyage. On relaye avec ce qu'on trouve, écrivait-il. Quand nous n'eûmes plus de chevaux tartares, nous prîmes des ânes. Pour atteindre à ce but la compression de tout et de tous, il fallait s'engager dans une voie obscure, tortueuse, âpre, difficile. On s'y engagea. Quelques-uns de ceux qui y entrèrent savaient ce qu'ils faisaient. Les partis vivent de mots, ces hommes, ces meneurs que 1848 effraya et rallia, avaient, nous l'avons dit plus haut, trouvé leurs mots, religion, famille, propriété. Ils exploitaient avec cette vulgaire adresse qui suffit lorsqu'on parle à la peur, certains côtés obscurs de ce qu'on appelait socialisme. Il s'agissait de sauver la religion, la propriété et la famille. « Sauver le drapeau, disait-il, la tourbe des intérêts effarouchés s'y rua. » On se coalisa, on fit front, on fit bloc. On eut de la foule autour de soi. Cette foule était composée d'éléments divers. Le propriétaire y entra parce que ses loyers avaient baissé. Le paysan, parce qu'il avait payé les 45 centimes, tel qui ne croyait pas en Dieu crut nécessaire de sauver la religion, parce qu'il avait été forcé de vendre ses chevaux. On dégagea de cette foule la force qu'elle contenait et l'on s'en servit. On fit de la compression avec tout, avec la loi, avec l'arbitraire, avec les assemblées, avec la tribune, avec le jury, avec la magistrature, avec la police, en Lombardie avec le sabre, à Naples avec le bagne, en Hongrie avec le gibet. Pour remuseler les intelligences, pour remettre à la chaîne les esprits, esclaves échappés, pour empêcher le passé de disparaître, pour empêcher l'avenir de naître, pour rester les rois, les puissants, les privilégiés, les heureux. Tout devint bon, tout devint juste, tout fut légitime. On fabriqua pour les besoins de la lutte et on répandit dans le monde une morale de guet-apens contre la liberté, que mirent en action Ferdinand à Palerme, Antonelli à Rome, Schwarzenberg à Milan et à Pest, et plus tard à Paris, les hommes de décembre, ces loups d'État. Il y avait un peuple parmi les peuples qui était une sorte d'aîné dans cette famille d'opprimés, qui était comme un prophète dans la tribu humaine. Ce peuple avait l'initiative de tout le mouvement humain. Il allait, il disait « Venez !» et on le suivait. Comme complément à la fraternité des hommes qui est dans l'Évangile, il enseignait la fraternité des nations. Il parlait par la voix de ses écrivains, de ses poètes, de ses philosophes, de ses orateurs comme par une seule bouche, et ses paroles s'en allaient aux extrémités du monde, se poser comme des langues de feu sur le front de tous les peuples. Il présidait la scène des intelligences. Il multipliait le pain de vie à ceux qui erraient dans le désert. Un jour, une tempête l'avait enveloppé. Il marcha sur l'abîme et dit aux peuples effrayés « Pourquoi craignez-vous ?» Le flot des révolutions soulevées par lui s'apaisa sous ses pieds et, loin de l'engloutir, le glorifia. Les nations malades, souffrantes, infirmes, se pressaient autour de lui. Celles-ci boitaient. La chaîne de l'Inquisition, rivée à son pied pendant 3 siècles, l'avait estropiée. Il lui disait « Marche !» Et elle marchait. Cet autre était aveugle. Le vieux papisme romain lui avait rempli les prunelles de brume et de nuit. Il lui disait « Vois !» Elle ouvrait les yeux et voyait. « Jetez vos béquilles, c'est-à-dire vos préjugés, disait-il. Jetez vos bandeaux, c'est-à-dire vos superstitions. Tenez-vous droit, levez la tête, regardez le ciel, contemplez Dieu. L'avenir est à vous, ô peuple. Vous avez une lèpre, l'ignorance. Vous avez une peste, le fanatisme. Il n'est pas un de vous qui naît et qui ne porte une de ces affreuses maladies qu'on appelle un despote. Allez, marchez, brisez les liens du mal. Je vous délivre, je vous guéris. » C'était par toute la terre une clameur reconnaissante des peuples que cette parole faisait saints et forts. Un jour, il s'approcha de la Pologne morte, il leva le doigt et lui cria « Lève-toi !» La Pologne morte se leva. Ce peuple, les hommes du passé, dont il annonçait la chute, le redoutaient et le haïssaient. À force de ruses et de patience tortueuse et d'audace, ils finirent par le saisir et vinrent à bout de le garrotter. Depuis plus de 3 années, le monde assiste à un immense supplice, à un effrayant spectacle. Depuis plus de 3 ans, les hommes du passé, les scribes, les pharisiens, les publicains, les princes des ténèbres, crucifient, en présence du genre humain, le Christ des peuples, le peuple français. Les uns ont fourni la croix, les autres les clous, les autres le marteau. Falloux lui a mis au front la couronne d'épines, Montalembert lui a appuyé sur la bouche l'éponge de vinaigre et de fiel. Louis Bonaparte est le misérable soldat qui lui a donné le coup de lance au flanc et lui a fait jeter le cri suprême « Élie, Élie, lama sabachthani !» Maintenant c'est fini, le peuple français est mort, la grande tombe va s'ouvrir. Pour 3 jours. 2. Ayons foi. Non, ne nous laissons pas abattre. Désespérer, c'est déserter. Regardons l'avenir. L'avenir, on ne sait pas quelle tempête nous sépare du port, mais le port lointain et radieux, on l'aperçoit. L'avenir, répétons-le, c'est la République pour tous. Ajoutons, l'avenir, c'est la paix avec tous. Ne tombons pas dans le travers vulgaire qui est de maudire et de déshonorer le siècle où l'on vit. Erasme a appelé le XVIe siècle l'excrément des temps. Fex temporum. Bossuet a qualifié ainsi le XVIIe siècle. Temps mauvais et petit. Rousseau a flétri le XVIIIe siècle en ces termes. Cette grande pourriture où nous vivons. La postérité a donné tort à ces esprits illustres. Elle a dit à Erasme, le XVIe siècle est grand. Elle a dit à Bossuet, le XVIIe siècle est grand. Elle a dit à Rousseau, le XVIIIe siècle est grand. L'infamie de ces siècles eût été réelle d'ailleurs, que ces hommes forts auraient eu tort de se plaindre. Le penseur doit accepter avec simplicité et calme le milieu où la Providence le place. La splendeur de l'intelligence humaine, la hauteur du génie, n'éclate pas moins par le contraste que par l'harmonie avec les temps. L'homme stoïque et profond n'est pas diminué par l'abjection extérieure. Virgile, Pétrarque, Racine sont grands dans leur pourpre. Job est plus grand sur son fumier. Mais nous pouvons le dire, nous, hommes du XIXe siècle, le XIXe siècle n'est pas le fumier. Quelles que soient les hontes de l'instant présent, quels que soient les coups dont le va-et-vient des événements nous frappe, quelle que soit l'apparente désertion ou la léthargie momentanée des esprits, aucun de nous, démocrates, ne reniera cette magnifique époque où nous sommes, âge viril de l'humanité. Proclamons-le hautement, proclamons-le dans la chute et dans la défaite, ce siècle est le plus grand des siècles, et savez-vous pourquoi? Parce qu'il est le plus doux. Ce siècle, immédiatement issu de la Révolution française et son premier-né, affranchit l'esclave en Amérique, relève le paria en Asie, éteint le suté dans l'Inde et écrase en Europe les derniers tisons du bûcher, civilise la Turquie, fait pénétrer de l'Évangile jusque dans le Coran, dignifie la femme, subordonne le droit du plus fort au droit du plus juste, supprime les pirates, amoindrit les pénalités, assainit les bagnes, jette le fer rouge à l'égout, condamne la peine de mort, ôte le boulet du pied des forçats, abolit les supplices, dégrade et flétrit la guerre, émousse les ducs d'Albe et les Charles IX, arrache les griffes aux tyrans. Ce siècle proclame la souveraineté du citoyen et l'inviolabilité de la vie. Il couronne le peuple et sacre l'homme. Dans l'art, il a tous les génies. Écrivain, orateur, poète, historien, publiciste, philosophe, peintre, statuaire, musicien, la majesté, la grâce, la puissance, la force, l'éclat, la profondeur, la couleur, la forme, le style. Il se retrempe à la fois dans le réel et dans l'idéal et porte à la main les deux foudres, le vrai et le beau. Dans la science, il accomplit tous les miracles. Il fait du coton un salpêtre, de la vapeur un cheval, de la pile de Volta un ouvrier, du fluide électrique un messager, du soleil un peintre. Il s'arrose avec l'eau souterraine en attendant qu'il se chauffe avec le feu central. Il ouvre sur les deux infinis ses deux fenêtres, le télescope sur l'infiniment grand, le microscope sur l'infiniment petit, et il trouve dans le premier abîme des astres et dans le second abîme des insectes qui lui prouvent Dieu. Il supprime la durée, il supprime la distance, il supprime la souffrance. Il écrit une lettre de Paris à Londres et il a la réponse en 10 minutes. Il coupe une cuisse à un homme, l'homme chante et sourit. Il n'a plus qu'à réaliser, et il y touche, un progrès qui n'est rien à côté des autres miracles qu'il a déjà faits. Il n'a qu'à trouver le moyen de diriger dans une masse d'air une bulle d'air plus léger. Il a déjà la bulle d'air, il la tient emprisonnée. Il n'a plus qu'à trouver la force impulsive, qu'à faire le vide devant le ballon par exemple, qu'à brûler l'air devant l'aérostat comme fait la fumée devant elle. Il n'a plus qu'à résoudre d'une façon quelconque ce problème, et il le résoudra. Et savez-vous ce qui arrivera alors? À l'instant même, les frontières s'évanouissent, les barrières s'effacent, tout ce qui est muraille de la Chine autour de la pensée, autour du commerce, autour de l'industrie, autour des nationalités, autour du progrès, s'écroule. En dépit des censures, en dépit des index, il pleut des livres et des journaux partout. Voltaire, Diderot, Rousseau tombent en grêle sur Rome, sur Naples, sur Vienne, sur Pétersbourg. Le verbe humain émane et le cerf le ramasse dans le sillon. Les fanatismes meurent, l'oppression est impossible. L'homme se traînait à terre, il échappe. La civilisation se fait nuée d'oiseaux et s'envole et tourbillonne et s'abat joyeuse sur tous les points du globe à la fois. Tenez, la voilà, elle passe. Braquez vos canons, vieux despotisme, elle vous dédaigne. Vous n'êtes que le boulet, elle est l'éclair. Plus de haine, plus d'intérêt s'entre-dévorant, plus de guerre, une sorte de vie nouvelle, faite de concorde et de lumière, emporte et apaise le monde. La fraternité des peuples traverse les espaces et communie dans l'éternel azur. Les hommes se mêlent dans les cieux. En attendant ce dernier progrès, voyez le point où ce siècle avait amené la civilisation. Autrefois, il y avait un monde où l'on marchait à pas lents, le dos courbé, le front baissé, où le comte de Gouvon se faisait servir à table par Jean-Jacques. où le chevalier de Rohan donnait des coups de bâton à Voltaire, où l'on tournait Daniel Defoe au pilori, où une ville comme Dijon était séparée d'une ville comme Paris par un testament à faire, des voleurs à tous les coins de bois et 10 jours de coche, où un livre était une espèce d'infamie et d'ordure que le bourreau brûlait sur les marches du palais de justice, où superstition et férocité se donnaient la main, où le pape disait à l'empereur « Iungamus dexteras gladium gladio copulemus », où l'on rencontrait à chaque pas des croix auxquelles pendaient des amulettes et des gibets auxquels pendaient des hommes, où il y avait des hérétiques, des juifs, des lépreux, où les maisons avaient des créneaux et des meurtrières, où l'on fermait les rues avec une chaîne, les fleuves avec une chaîne, les camps même avec une chaîne, comme à la bataille de Tolosa, les villes avec des murailles, les royaumes avec des prohibitions et des pénalités, où, excepté l'autorité et la force qui adhéraient étroitement, tout était parqué, réparti, coupé, divisé, tronçonné, haï et haïssant, épars et morts. Les hommes poussières, le pouvoir, bloc. Aujourd'hui, il y a un monde où tout est vivant, uni, combiné, accouplé, confondu. Un monde où règne la pensée, le commerce et l'industrie, où la politique, de plus en plus fixée, tend à se confondre avec la science. Un monde où les derniers échafauds et les derniers canons se hâtent de couper leurs dernières têtes et de vomir leurs derniers obus. Un monde où le jour croît à chaque minute. Un monde où la distance a disparu, où Constantinople est plus près de Paris que n'était Lyon il y a 100 ans, où l'Amérique et l'Europe palpitent du même battement de cœur. Un monde, tout circulation et tout amour, dont la France est le cerveau, dont les chemins de fer sont les artères et dont les fils électriques sont les fibres. Est-ce que vous ne voyez pas qu'exposer seulement une telle situation, c'est tout expliquer, tout démontrer et tout résoudre? Est-ce que vous ne sentez pas que le vieux monde avait fatalement une vieille âme, la tyrannie, et que dans le monde nouveau va descendre nécessairement, irrésistiblement, divinement, une jeune âme, la liberté? C'est là l'œuvre qu'avait faite parmi les hommes et que continuait splendidement le XIXe siècle, ce siècle de stérilité, ce siècle de décroissance, ce siècle de décadence, ce siècle d'abaissement, comme disent les pédants, les rhéteurs, les imbéciles et toute cette immonde engeance de cagots, de fripons et de fourbes qui bavent béatement du fiel sur la gloire, qui déclarent que Pascal est un fou, Voltaire un fat et Rousseau une brute, et dont le triomphe serait de mettre un bonnet d'âne au genre humain. Vous parlez de bas-empire? Est-ce sérieusement? Est-ce que le bas-empire avait derrière lui Jean Hus, Luther, Cervantes, Shakespeare, Pascal, Molière, Voltaire, Montesquieu, Rousseau et Mirabeau? Est-ce que le bas-empire avait derrière lui la prise de la Bastille, la Fédération, Danton, Robespierre, la Convention? Est-ce que le bas-empire avait l'Amérique? Est-ce que le bas-empire avait le suffrage universel? Est-ce que le bas-empire avait ces deux idées, patrie et humanité? Patrie, l'idée qui grandit le cœur, humanité, l'idée qui élargit l'horizon? Savez-vous que sous le bas-empire, Constantinople tombait en ruine et avait fini par n'avoir plus que 30 000 habitants? Paris en est-il là? Parce que vous avez vu réussir un coup de main prétorien, vous vous déclarez bas-empire. C'est vite dit et lâchement pensé, mais réfléchissez donc si vous pouvez. Est-ce que le bas-empire avait la boussole, la pile, l'imprimerie, le journal, la locomotive, le télégraphe électrique? Autant d'ailes qui emportent l'homme et que le bas-empire n'avait pas. Où le bas-empire rampait, le XIXe siècle plane. Y songez-vous? Quoi, nous reverrions l'impératrice Zoé, Romain Argyre, Nicéphore Logothète, Michel Calafate? Allons donc. Est-ce que vous vous imaginez que la Providence se répète platement? Est-ce que vous croyez que Dieu rabâche? Ayons foi, affirmons. L'ironie de soi-même est le commencement de la bassesse. C'est en affirmant qu'on devient bon, c'est en affirmant qu'on devient grand. Oui, l'affranchissement des intelligences et par suite l'affranchissement des peuples, c'était là la tâche sublime que le XIXe siècle accomplissait en collaboration avec la France. Car le double travail providentiel du temps et des hommes, de la maturation et de l'action, se confondait dans l'œuvre commune et la grande époque avait pour foyer la grande nation. Ô patrie, c'est à cette heure où te voilà sanglante, inanimée, la tête pendante, les yeux fermés, la bouche ouverte et ne parlant plus, les marques du fouet sur les épaules, les clous de la semelle des bourreaux imprimés sur tout le corps, nue et souillée et pareille à une chose morte, objet de haine, objet de risée. Hélas, c'est à cette heure, patrie, que le cœur du proscrit déborde d'amour et de respect pour toi. Te voilà sans mouvement. Les hommes de despotisme et d'illusion rient et savourent l'illusion orgueilleuse de ne plus te craindre. Rapide joie. Les peuples qui sont dans les ténèbres oublient le passé et ne voient que le présent et te méprisent. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Te mépriser ? Grand Dieu, mépriser la France ? Et qui sont-ils ? Quelle langue parlent-ils ? Quels livres ont-ils dans les mains ? Quels noms savent-ils par cœur ? Quelle est l'affiche collée sur le mur de leur théâtre ? Quelles formes ont leurs arts, leurs lois, leurs mœurs, leurs vêtements, leurs plaisirs, leurs modes ? Quelle est la grande date, pour eux comme pour nous ? 89 ? S'ils ôtent la France de leur âme, que leur reste-t-il ? Ô peuple, fut-elle tombée et tombée à jamais ? Est-ce qu'on méprise la Grèce ? Est-ce qu'on méprise l'Italie ? Est-ce qu'on méprise la France ? Regardez ces mamelles, c'est votre nourrice. Regardez ce ventre, c'est votre mère. Si elle dort, si elle est en léthargie, silence et chapeau bas. Si elle est morte, à genoux. Les exilés sont épars, la destinée a des souffles qui dispersent les hommes comme une poignée de cendres. Les uns sont en Belgique, en Piémont, en Suisse, où ils n'ont pas la liberté. Les autres sont à Londres, où ils n'ont pas de toit. Celui-ci, paysan, a été arraché à son clos natal. Celui-ci, soldat, n'a plus que le tronçon de son épée qu'on a brisé dans sa main. Celui-ci, ouvrier, ignore la langue du pays. Il est sans vêtements et sans souliers. Il ne sait pas s'il mangera demain. Celui-ci a quitté une femme et des enfants, groupe bien-aimé, but de son labeur, joie de sa vie. Celui-ci a une vieille mère en cheveux blancs qui le pleure. Celui-là, un vieux père qui mourra sans l'avoir revu. Cet autre aimait. Il a laissé derrière lui quelque être adoré qu'il oubliera. Il lève la tête. Ils se tendent la main les uns aux autres. Il sourit. Il n'est pas de peuple qui ne se range sur leur passage avec respect et qui ne contemple avec un attendrissement profond comme un des plus beaux spectacles que le sort puisse donner aux hommes toutes ces consciences sereines, tous ces cœurs brisés. Ils souffrent. Ils se taisent. En eux, le citoyen a immolé l'homme. Ils regardent fixement l'adversité. Ils ne crient même pas sous la verge impitoyable du malheur. Civis Romanus sum. Mais le soir, quand on rêve, quand tout dans la ville étrangère se revêt de tristesse, car ce qui semble froid le jour devient funèbre au crépuscule, mais la nuit, quand on ne dort pas, les âmes les plus stoïques s'ouvrent au deuil et à l'accablement. Où sont les petits-enfants ? Qui leur donnera du pain ? Qui leur donnera le baiser de leur père ? Où est la femme ? Où est la mère ? Où est le frère ? Où sont-ils tous ? Et ces chansons qu'on entendait le soir dans sa langue natale, où sont-elles ? Où est le bois, l'arbre, le sentier, le toit plein de nids, le clocher entouré de tombes ? Où est la rue ? Où est le faubourg, le réverbère allumé devant votre porte ? Les amis, l'atelier, le métier, le travail accoutumé ? Et les meubles vendus à la criée, l'encan envahissant le sanctuaire domestique ? Oh, que d'adieux éternels, détruits, morts, jetés aux quatre vents, cet être moral qu'on appelle le foyer de famille et qui ne se compose pas seulement des causeries, des tendresses et des embrassements, qui se compose aussi des heures, des habitudes, de la visite des amis, du rire de celui-ci, du serrement de main de celui-là, de la vue qu'on voyait de telle fenêtre, de la place où était tel meuble, du fauteuil où l'aïeul s'était assis, du tapis où les premiers-nés ont joué. Envolé, ces objets auxquels s'était empreinte votre vie. Évanouie la forme visible des souvenirs. Il y a dans la douleur des côtés intimes et obscurs où les plus fiers courages fléchissent. L'orateur de Rome tendit sa tête sans pâlir au couteau du centurion Lénas, mais il pleura en songeant à sa maison démolie par Claudius. Les proscrits se taisent, ou s'ils se plaignent, ce n'est qu'entre eux. Comme ils se connaissent, et qu'ils sont doublement frères, ayant la même patrie et ayant la même proscription, ils se racontent leur misère. Celui qui a de l'argent le partage avec ceux qui n'en ont pas. Celui qui a de la fermeté en donne à ceux qui en manquent. On échange les souvenirs, les aspirations, les espérances. On se tourne, les bras tendus dans l'ombre, vers ce qu'on a laissé derrière soi. Oh, qu'ils soient heureux là-bas, ceux qui ne pensent plus à nous. Chacun souffre, et par moments s'irrite, on grave dans toutes les mémoires les noms de tous les bourreaux. Chacun a quelque chose qu'il maudit, Mazas, le ponton, la casemate, le dénonciateur qui a trahi, l'espion qui a guetté, le gendarme qui a arrêté, Lambessa où l'on a un ami, Cayenne où l'on a un frère. Mais il y a une chose qu'ils bénissent tous, c'est toi, France. Oh, une plainte, un mot contre toi, France. Non, non, on n'a jamais plus de patrie dans le cœur que lorsqu'on est saisi par l'exil. Ils feront leur devoir entier, avec un front tranquille et une persévérance inébranlable. Ne pas te revoir, c'est là leur tristesse. Ne pas t'oublier, c'est là leur joie. Ah, quel deuil! Et après 8 mois, on a beau se dire que cela est, on a beau regarder autour de soi et voir la flèche de Saint-Michel au lieu du Panthéon, et voir Sainte-Gudule au lieu de Notre-Dame, on n'y croit pas. Ainsi, cela est vrai, on ne peut le nier, il faut en convenir, il faut le reconnaître, du ton expiré d'humiliation et de désespoir, ce qui est là, à terre, c'est le 19e siècle, c'est la France. Quoi ? C'est ce Bonaparte qui a fait cette ruine. Quoi ? C'est au centre du plus grand peuple de la terre. Quoi ? C'est au milieu du plus grand siècle de l'histoire que ce personnage s'est dressé debout et a triomphé. Se faire de la France une proie, grand Dieu, ce que le lion n'eût pas osé, le singe l'a fait. Ce que l'aigle eût redouté de saisir dans ses serres, le perroquet l'a pris dans sa patte. Quoi ? Louis XI y eût échoué ? Quoi ? Richelieu s'y fut brisé. Quoi, Napoléon n'y eut pas suffi. En un jour, du soir au matin, l'absurde a été le possible. Tout ce qui était axiome est devenu chimère. Tout ce qui était mensonge est devenu fait vivant. Quoi, le plus éclatant concours d'hommes. Quoi, le plus magnifique mouvement d'idées. Quoi, le plus formidable enchaînement d'événements. Quoi, ce qu'aucun titan n'eût contenu. Ce qu'aucun Hercule n'eût détourné. Le fleuve humain en marche. La vague française en avant, la civilisation, le progrès, l'intelligence, la révolution, la liberté. Il a arrêté cela un beau matin, purement et simplement, tout net. Lui, ce masque, ce nain, ce Tibère avorton, ce néant. Dieu marchait et allait devant lui. Louis Bonaparte, panache en tête, s'est mis en travers et a dit à Dieu « Tu n'iras pas plus loin ». Dieu s'est arrêté. Et vous vous figurez que cela est ? Et vous vous imaginez que ce plébiscite existe ? Que cette constitution de je ne sais plus quel jour de janvier existe ? Que ce Sénat existe ? Que ce Conseil d'État et ce corps législatif existent ? Vous vous imaginez qu'il y a un laquais qui s'appelle Rouère, un valet qui s'appelle Troplongue, un eunuque qui s'appelle Baroche, et un sultan, un pacha, un maître qui se nomme Louis Bonaparte ? Vous ne voyez donc pas que c'est tout cela qui est chimère ? Vous ne voyez donc pas que le 2 décembre n'est qu'une immense illusion ? Une pause, un temps d'arrêt, une sorte de toile de manœuvre derrière laquelle Dieu, ce machiniste merveilleux, prépare et construit le dernier acte, l'acte suprême et triomphal de la Révolution française ? Vous regardez stupidement la toile, les choses peintes sur ce canevas grossier, le nez de celui-ci, les épaulettes de celui-là, le grand sabre de cet autre, ces marchands d'hautes colonnes galonnés que vous appelez des généraux, ces poussas que vous appelez des magistrats, ces bonshommes que vous appelez des sénateurs, ce mélange de caricatures et de spectres, et vous prenez cela pour des réalités, et vous n'entendez pas au-delà, dans l'ombre, ce bruit sourd, vous n'entendez pas quelqu'un qui va et vient. Vous ne voyez pas trembler cette toile au souffle de ce qui est derrière ? Fin.